Vous. Oui, vous. Savez-vous que vous pouvez écouter 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts sur une seule application gratuite ? Avec Radio Player France sur smartphone, enceinte ou en voiture, vos radios sont toujours avec vous. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. France Inter. Frédéric, c'est Lille. Et vous pouvez juste dire une chose. C'est vraiment très important. C'est que j'écoute cette émission depuis le confinement. Donc ça fait déjà quelques années, quoi. C'est vraiment super. Tu m'as fait découvrir plein de trucs. Mais là, il y a quand même la danse hip-hop. Elle passe au JO l'année prochaine. Alors, je te fais confiance pour en parler. Parce que là, sinon, plus rien ne va. Il faut que tu parles de ça. Voilà. Bon, je t'embrasse. Ciao. To be or not to be, not to be. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 10 000 pas par jour, c'est le minimum d'activité physique requis pour préserver sa santé et maîtriser son poids. 10 000 pas par jour, grosso modo c'est 7 km. 1h30, 2h de marche. Et ça, c'est le minimum requis. C'est-à-dire que si vous les faites régulièrement, vous attendez pas à une médaille de la part de l'OMS. Hein. Ça vous vaudra juste, hein. Ouais, pas mal, c'est passable. Après, il n'y a pas photo sur les bénéfices. Une heure de marche en légère pente, tu dépenses plus de calories qu'une heure à la salle, c'est documenté. Alors, niveau randonnée, je ne sais pas où vous vous situez sur l'échelle des Hobbits. Hein, vous êtes plutôt au niveau Bilbo, Merry, Pipine, ou vous avez carrément les gros mollets de Sam et Frodo. Moi, en tout cas, je connais tout un tas de gens qui ne sortent même pas de la comté. Ils quittent leur foyer pour monter dans leur voiture, ils en sortent pour monter dans un train pour un bus pour un métro, et seulement une fois arrivés au travail, c'est peut-être là qu'ils marchent le plus dans leur journée pour aller d'un bureau à un autre, à la cantine ou à la machine à café. Il faudra quand même un jour qu'on s'interroge pour savoir comment on a fait pour rendre compliquée une des activités humaines les plus basiques qui soient pour les gens sans handicap, c'est-à-dire marcher. Apprendre à marcher, c'est littéralement le premier exploit d'un bébé. J'ai posé la question à plein de personnes autour de moi et à chaque fois on me donne la même réponse. Écoute, j'ai pas le temps Frédéric. C'est vrai, on n'a pas le temps. Mais ce temps indispensable à notre santé, à qui on l'a donné ? À son entreprise, à son école, à son quotidien, et le peu qui nous reste, on le file aux écrans et aux fournisseurs de divertissement. Pour lutter contre l'hypertension, l'obésité et les cancers, l'OMS voudrait qu'on marche 1 à 2 heures par jour. Donc je propose à tous les gouvernements du monde, au lieu de s'arracher les cheveux sur le trou de la sécurité sociale, donnez-nous du temps et on n'aura plus à cacher aux bébés qu'ils apprennent à marcher juste pour aller au taf. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. Allez. On peut y arriver. 1, 2, 3. On va y aller. Ore ni totte basuke dake ga ikiru sasae datta. Miyagi-kun. Koko wa kimi no butai desu yo. Dans les années 2000, parmi les premiers mangas à paraître en France, nous avons eu la chance d'avoir Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Bastard, Fly alias Dragon Quest, et une pépite qui n'était pas un récit à base de boules de feu, de combats d'arts martiaux ou de Rick Fantasy, mais un manga, Slam Dunk, basé sur un sport qui n'était même pas encore très populaire à l'époque au Japon, le basket. Très vite, Slam Dunk est devenu un des mangas les plus populaires au monde, tout genre confondu. Et cela, on le doit à un auteur, Takehiko Inoue, un artiste qui n'a eu de cesse d'affiner son trait jusqu'à devenir cette bête de dessin qu'il est devenu aujourd'hui. Et pour revenir sur ce manga culte, j'ai avec moi Renaud Besbourdier, bonjour. Bonjour. Vous êtes scénariste, dramaturge et rédacteur en chef du site web Cinématrack. Tout à fait. Avec nous également de retour, L'Œil Thierry, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef adjoint du magazine Metal Hurlant et cet été, vous avez animé la chronique du Metal Hurlant le dimanche à 7h20 sur France Inter. C'est ça. Avec nous également, Sullivan Rouault, bonjour. Bonjour Fred, bonjour tout le monde. Vous dirigez les collections de mangas iComics et Mangetsu aux éditions Bragelonne. C'est ça. Et avec nous, mon comparse Mathieu Pinon, bonjour. Bonjour Frédéric, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes journaliste spécialisé en pop culture japonaise, rédacteur en chef du magazine Otaku Manga et auteur du livre Manga que d'histoire aux éditions Larousse. Tout à fait. Les présentations sont faites, c'est l'heure de lancer le match. Nous, les mangaka, ne sommes pas comme les peintres qui doivent exprimer du beau sur leur toile. Nous devons raconter une histoire, apporter du sens au dessin et aussi du divertissement. Je pense toujours à comment les gens liront le manga, ce qu'ils vont voir en premier ou dès qu'ils vont tourner une page. Je veux attirer leur attention. En ce qui me concerne, la conception de mes brouillons va vraiment déterminer la suite de mon travail. Mon brouillon, c'est mon champ de bataille. Si le brouillon ne fonctionne pas comme il devrait, mes dessins ne peuvent pas fonctionner. Vous venez d'entendre la voix de Takehiko Inoue, interviewée par la chaîne américaine CNN en 2012. Alors Slam Dunk, avec plus de 170 millions d'exemplaires en circulation, c'est à la fois le manga de sport le plus vendu, l'une des séries de manga les plus vendues au monde, et l'une des bandes dessinées les plus vendues tout court. Mais Mathieu Pinon, ma première question c'est d'où vient Takehiko Inoue ? Alors Takehiko Inoue est né en 1967 dans une petite ville au sud du Kyushu, qui s'appelle Okuchi, enfin qui s'appelait Okuchi, parce que depuis elle a fusionné avec une autre ville, elle s'appelle Issa. Il était passionné par le dessin quand il était jeune, il envisageait d'être mangaka. Par contre, niveau sport, quand il était au collège, il faisait du kendo. Donc le kendo, c'est l'art de l'épée en bois, avec une armure qu'on ne lave pas. Et donc, collégien dans une armure qui pue un peu la sueur pour draguer les nanas, c'était pas tip-top. Donc, quand il arrive au lycée, il décide de changer de sport. Or, le sport qui commence à être un petit peu à la mode à l'époque et qui plaît aux filles, c'est le basket. Donc, il se tourne vers le basket uniquement intéressé au début par la gente féminine et il finit par se passionner pour ce sport. Il devient un grand fan des Lakers, notamment à cette époque-là. Et il continue de vouloir faire du manga. Et il envoie sa première histoire à Shueisha. Il se prend une gaufre au concours. Il est complètement rejeté. En fait, un éditeur lui envoie un petit mot disant « Non, mais tu t'es planté, mais c'est pas grave. Moi, je pense que tu as du talent, tu devrais continuer. » Donc, il continue. Il réussit à remporter le prix Tezuka en 1988. Et à partir de là, on lui dit « Viens à Tokyo ». Il monte à Tokyo, donc il quitte Kyushu. Hein. Kyushu, c'est vraiment l'île au sud du Japon. C'est la Cambrousse. Il arrive à Tokyo et pendant 10 mois, il va être assistant de Tsukasa Hojo, grâce à qui il va vraiment apprendre toutes les ficelles du métier, à tel point que l'auteur de City Hunter, alias Nicky Larson, ou de Katsai, alias Signe Katsai. Et grâce à cette année de formation express, il se lance. Il va faire un premier manga qui va s'appeler Chameleon Jail, qui va pas forcément très très bien marcher avec un autre scénariste. Et ensuite, la première vraie série au long cours qui va lancer sera Slam Dunk et qui sera le triomphe dont vous avez parlé avec les chiffres démentiels de circulation. Et est-ce qu'on retrouve encore quelque chose de son passage, c'est Tsukasa Hojo, dans son style de dessin ? Pas nécessairement, au sens où, en fait, ce qui est très marquant, c'est que Hojo, il y a deux écoles chez les mangaka par rapport à leurs assistants. Certains mangaka vont dire à leur assistant, toi, tu vas t'occuper des décors, toi, tu vas t'occuper des lignes de vitesse, toi, tu vas t'occuper de mettre les trames, les fameuses zones de contour dégradées en gris. Et Hojo, lui, il est plus, toi, tu vas faire telle séquence. Et donc, l'assistant doit tout faire. Il doit faire aussi bien les décors que les personnages. Et donc, à partir de là, il a vraiment tout appris sur le tas, et par conséquent, il n'y a pas vraiment un style Hojo qui lui est resté en dehors d'un réalisme qui est vraiment très très marqué. On n'est pas du tout dans des univers fantasmagoriques, on reste vraiment dans un Japon très contemporain. Sullivan Rouault, comment avez-vous découvert Slam Dunk et qu'est-ce qui, selon vous, en a fait une œuvre singulière ? J'ai découvert Slam Dunk avec la première édition chez Kana dans les années 90-2000. En fait, c'est marrant parce que je suis dans une espèce de quête de manga de sport après Olivier Tom et Captain Tsubasa en japonais. Et en fait, Slam Dunk s'est imposé un peu naturellement parce que c'est aujourd'hui considéré comme le plus grand manga de sport de tous les temps. Et je me souviens de ce que dit Mathieu là, à savoir cet aspect documentariste en fait chez l'auteur, très réaliste, vers lequel en plus il va aller au fur et à mesure de la progression de Slam Dunk, c'est-à-dire qu'on commence avec quelque chose d'assez cartoony et tout. Et c'est un bon résumé de sa carrière d'ailleurs, puisque il commence Slam Dunk très jeune, hein, il commence Slam Dunk en 90, donc si je fais bien mes calculs, il doit avoir 22 ou 23 ans. Il gagne le prix Tezuka à 20 ans, ce qui est un record de précocité fou. Et donc il avait cette énergie, cette espèce d'allant incroyable et tout qu'on retrouve dans son personnage principal Sakuragi, qui en fait est très très proche de lui à l'époque. Et il évolue vers quelque chose de beaucoup plus dramatique, en fait, sans vouloir rien spoiler. Et ça se ressent aussi dans son dessin, d'ailleurs, où il va rejoindre un petit peu son maître, Tsukasa Hojo. Renaud Besbourdier, alors, je sais, en marge des nombreux sujets sur lesquels je vous ai déjà fait intervenir, mais que vous avez une passion pour l'animation, le dessin et le basket. Et là, on a une œuvre qui réunit tout à la fois. Donc, comment avez-vous rencontré Slam Dunk ? En fait, c'était mon cousin qui avait un tome dans sa bibliothèque, qui lui aussi était fan de basket. Donc j'ai vu ça, j'ai fait « Ok, donc il y a le destin qui m'appelle là tout de suite ». C'était le premier tome et ça, j'ai accroché tout de suite. Quoi. Et j'ai suivi la publication à l'époque de sa publication française, parce qu'elle a été tardive comparée, parce que c'est 90 à 96, il me semble, publication japonaise. Nous, c'était un peu plus tard. Et donc je me souviens vraiment de mes années collège et mes années lycée, à parcourir le manga et à suivre les actions des matchs qui sont de plus en plus étirés et de plus en plus dramatiques, à un point où, en fait, maintenant, je le relis tous les ans. Et j'apprends des nouvelles choses d'écriture, de rythme, de dessin tous les ans à chaque fois que je le relis. Et alors, c'est vrai que c'est une notion, c'est une leçon même de narration, Slam Dunk, mais vous qui êtes féru de basket, est-ce que c'est assez plausible, réaliste par rapport à un match traditionnel ? Franchement, oui. Ce qui est assez intéressant, et si on parle du film après, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est très ancré dans le basket de son époque. C'est-à-dire que ça représente vraiment le basket des années 90, à l'époque où ça commençait à devenir populaire à l'international. D'abord, il y a eu donc les années 80, Magic et Bird, mais c'est vraiment pendant les années 90, avec Michael Jordan, que ça devient vraiment populaire à l'international. Et toute cette influence-là, voilà, on la sent en fait dans son dessin, dans son rythme, et c'est là aussi d'où qu'il se démarre des autres mangas de basket, là où lui vraiment est ancré dans un réalisme à toute épreuve. Le réalisme est tel d'ailleurs qu'il y a il va prendre beaucoup de revues de basket où il y a les photos des joueurs alors qu'ils sont en train de faire les paniers et on retrouve la posture exactement au niveau du dessin de ces personnages. Lloyd Cherry, alors on se connaît bien aussi, grand amateur de science-fiction, vous êtes un petit peu ma référence très culturelle, et je ne vous attendais pas sur un manga de basket où tout de suite là j'ai vu l'œil qui frise, donc comment vous avez rencontré Slam Dunk ? Alors pareil, j'ai eu des cousins, un cousin et une cousine qui m'ont fait découvrir les mangas. Mon cousin m'a fait découvrir Akira, et ma cousine m'a fait découvrir Slam Dunk. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu dans Slam Dunk au début, c'était l'humour. Ça me faisait pleurer de rire, puisque le début de Slam Dunk, c'est quand même de montrer un collégien voyou, un peu violent, qui se prend des râteaux par des filles. Et quand on est soi-même collégien, évidemment, ça peut peut-être nous parler. Ah, donc c'était la dimension des râteaux qui vous a parlé en premier. Voilà. Et puis après, il y a eu la dimension de l'intensité de ce manga, qui au niveau des matchs est assez incroyable. Et c'est vrai que c'est ce qui est intéressant dans Slam Dunk, c'est qu'on on peut vraiment mettre le succès de Slam Dunk en parallèle avec le succès de la NBA, comme vous avez fait. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on pouvait retrouver chez certains de ces personnages des traits de d'autres joueurs. Le héros Hanamichi Sakuragi fait penser à Dennis Rodman et un petit peu à Charles Barkley. Rukawa fait aussi un petit peu penser à Michael Jordan dans sa façon de pouvoir retourner un match. Mais surtout, c'est qu'on avait des personnages secondaires comme Akagi ou les autres pivots qui en fait ont des têtes de noirs américains. Et c'est vrai que c'était rigolo d'avoir un manga où on avait vraiment l'impression d'avoir des personnages noirs. Alors que c'est assez rare, en tout cas à l'époque c'était assez rare dans les mangas d'avoir des personnages de couleur. Sylvain Roux, le style de Takehiko Inoue fait la part belle à une certaine forme de réalisme. Et comment vous expliquez qu'il ait réussi à être compétitif avec des shonen qui à l'époque étaient beaucoup plus connus pour leurs éléments fantastiques ? C'est ça qui est dingue en fait au Japon, c'est que Slam Dunk est vraiment c'est un tel succès, faut se rendre compte, il est dans le top 10 des mangas les plus vendus et dans le top 3 des ventes en moyenne par tome, uniquement dépassé par Dragon Ball et Demon Slayer, devant One Piece. Bon, après One Piece il y a 104 tomes, donc évidemment c'est un peu plus dur de maintenir la moyenne, mais au Japon en fait c'est phénoménal le succès de Slam Dunk, et c'est vraiment une des très grandes stars du Weekly Shonen Jump dans les années 90. Les raisons sont assez difficiles à comprendre au-delà du génie absolu de son auteur, puisque aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire, hein, Inoue est un des plus grands auteurs de manga de tous les temps. On reparlera un petit peu de Vagabond tout à l'heure aussi, j'imagine, ou de Real aussi. Mais c'est vrai que ce mystère, enfin ce succès, il est un peu mystérieux en soi. Je pense qu'il est bien aidé évidemment par le succès de la NBA des années 90 et la Dream Team à Chicago, et enfin voilà, Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman et tout ça. Mais et de la culture street un peu qu'il y a autour du basket aussi. Mais c'est vrai que par rapport à des Dragon Ball, à des Yu Yu Hakusho, à des Naruto, à des One Piece, où la recette va être un peu plus palpable. Je mets One Piece un petit peu à part peut-être, mais ou Bleach, ou voilà, on peut en citer plein. Et Slam Dunk, c'est un ovni parmi ses succès énormes, parce que c'est un manga de sport, parce que c'est réaliste et dramatique, parce que sa fin est quand même hautement particulière. Enfin, ça dépend de quelle fin on parle, si on parle de celle de 96 ou 2004, mais si on va y revenir. Et j'ai pas vraiment la recette au-delà de l'excellence pure et de cette évolution folle entre ce que disait Lloyd tout à l'heure, le côté très drôle du départ et le drame total de la fin, quoi, et ce voyage incroyable qu'on a pendant la vingtaine de tomes du coup qui composent la série. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que l'autre grand manga très populaire au Japon, c'est Ashita no Joe, qui est un manga de boxe et qui se rapproche vraiment de Rocky avec ses thématiques à la Rocky. Et puis, c'est un manga qui dure depuis très longtemps. Et c'est vrai que dans Slam Dunk, il y a une vivacité, il y a une fougue qui est, je trouve, très liée à la fougue de l'adolescence. Et c'est vrai qu'on a des personnages, enfin, je pense que tout le monde ici autour de la table a aimé ces personnages follement. Et en fait, on se retrouve beaucoup en tant que lycéen. Et en plus, ils sont tous très charismatiques. Donc moi, je trouve qu'il y a vraiment une vivacité qui ne vieillit toujours pas dans Slam Dunk. Et c'est ça qui est dingue. C'est un manga toujours aussi intense. Mais c'est ça, en fait. Voilà. Puisque quand on regarde Dragon Ball et qu'on voit Son Goku s'entraîner, on a beau s'entraîner aussi longtemps que lui, on n'arrivera jamais à faire un Kamehameha. Alors que quand on suit ce que vivent les personnages dans Slam Dunk, il est beaucoup plus réaliste, que ce soit pour le basket ou pour la vraie vie. Il y a plein de leçons à en tirer, en fait. Et ça, c'est hyper fort, en fait. Alors Slam Dunk, c'est un manga, mais c'est aussi un animé. Et on va écouter l'opening de cet animé, interprété par Bad, Kimi ga suki to sakebita. Blockbuster sur France Inter. 大切な part っていうのは Il n'y a rien de plus important que les yeux. Maintenant que j'ai dessiné les yeux, le personnage est en vie. On peut dessiner les cheveux de n'importe quelle façon. Il n'y a pas de manière conventionnelle de procéder. C'est d'ailleurs assez amusant à faire. Je dessine les cheveux au pinceau. C'est une technique très rare chez les mangaka. Le pinceau me donne davantage de liberté. Il peut se déplacer dans des endroits inattendus. C'est imprévisible et excitant. C'était toujours Takehiko Inoue, interviewé par la chaîne américaine CNN en 2012. Mathieu Pinon. Oui. Vous aviez une théorie sur l'explication du succès de Slam Dunk, ce paysage rempli de shonen fantastique. C'est à mon avis la concordance de pas mal de facteurs. Déjà pour commencer, c'est un titre qui sort dans les années 90. La relation entre le Japon et les États-Unis était très complexe avec la guerre, avec les bombes atomiques, comme on le sait. Les années 50, ça a été la tutelle japonaise. Une génération plus tard, on est dans les années 70. Une génération encore après, on est dans les années 90. Le rapport entre les jeunes japonais et les jeunes américains est complètement... la guerre est occultée. Et on cherche de nouvelles choses qui viennent des États-Unis. Or, le sport qui était le plus populaire venu des États-Unis et qui reste toujours le plus populaire au Japon, c'était le baseball. Des mangas de baseball, on en a par palette au Japon, et ça va depuis quelque chose qui est extrêmement réaliste et crédible à quelque chose de fou comme le Captain Tsubasa, ou vraiment dans la démesure. Par conséquent, quand on voit arriver un manga sur un nouveau sport venu des États-Unis dans les années 90, ah bah oui, surtout que c'est un sport qui devient à la mode, puisque à partir de 88, je crois, la NBA, on commence à avoir accès sur les télévisions d'autres pays, notamment au Japon. Donc il y a tout ça qui va concourir. Et l'autre chose, c'est que c'est un titre qui brouille les pistes. Parce que, qu'est-ce que c'est ? C'est du sport, certes, mais il y a aussi, au début, ça fait très furio, puisque ce sont un peu des racailles. D'ailleurs, Inoue lui-même le dit, c'était pas forcément un adolescent très fréquentable, donc on sent ce côté très, très revêche. Oui, parce qu'il faut peut-être préciser aux auditeurs, ça parle de basket, mais il y a quand même un fil directeur. Donc il y a Sakuragi, qui est une sorte de petit voyou. Voilà, il a les cheveux teints en rouge, enfin voilà, donc il y a vraiment un côté très, très rebelle, très petit. Pour les Japonais. Oui, très, très racaille. Mais en même temps, il y a de la comédie romantique, il y a beaucoup d'humour, il y a du sport de manière très réaliste, et dernier facteur, concomitant encore une fois au succès, il y a un art de la narration qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs et qu'on n'avait jamais vu auparavant. Slam Dunk, c'est 31 tomes, l'intrigue dure 4 mois. Voilà, et le match final, qui est pour moi un chef-d'œuvre de narration, et je comprends tout à fait pourquoi, Renaud, tu retrouves des choses chaque année en le lisant, le dernier match s'étale sur 6 tomes. Or, un match de basket, c'est 40 minutes en temps décompté, enfin c'est 1h20, 1h30, et ça tient 6 tomes entiers, 1200 à 1500 pages. Donc tout ça mis ensemble, vous rajoutez encore un dernier facteur qui va être que c'est publié dans le Shonen Jump, aux côtés de Dragon Ball et aux côtés de Yu Yu Hakusho, qui sont les deux autres locomotives, tout ça fait qu'on a un succès hors du commun. Et d'ailleurs, Dragon Ball, Yu Yu Hakusho et Slam Dunk ont porté le Shonen Jump à un tirage de 6,5 millions d'exemplaires hebdomadaires au début des années 95. Donc un Shonen Jump, c'est un annuaire. Hein. Pour les plus jeunes, demandez à vos parents, ils vous montreront ce que c'est qu'un annuaire. C'est gigantesque. Et 6,5 millions d'exemplaires chaque semaine. C'est vous dire à quel point c'était une série porteuse, et c'est un phénomène qui, je pense, ne se retrouvera plus jamais pour un manga de sport. Et alors, il y a évidemment Slam Dunk, mais Takehiko Inoue, c'est aussi d'autres séries telles que Vagabond, on en a parlé, et aussi Real. Sullivan Rouault, qu'est-ce qui caractérise le style Takehiko Inoue ? Non mais c'est trop dur, Fred, comme question. Ah bah oui, bah il fallait bien que j'en lance ça. Hein. Parce que justement, la richesse d'Inoue, c'est qu'on se pose un peu la question de savoir ce que c'est vraiment son style. Ce qui est rigolo, c'est aussi de parler de l'auteur, puisqu'en fait, il a trois séries, donc on va écarter un petit peu Buzzer Beater et Chameleon Jail, qui sont plus anecdotiques, mais qui sont qui sont très bien. Hein, je voudrais pas faire d'ombre à qui que ce soit. Mais en fait, dans les trois séries, on va avoir cette relation complexe entre l'approche un peu documentariste, la fiction, en même temps le côté très réaliste. Par exemple, avec Vagabond, il adapte la vie de, enfin les romans qui nous racontent la vie de Miyamoto Musashi, le plus grand des samouraïs. La pierre et le sable. Exactement. Tout en étant très très libre en fait dans son adaptation. Lui-même, il le dit, ça l'intéresse pas tellement de regarder ça comme un livre d'histoire. Il le dit, je suis pas Wikipédia et tout ça, je fais un peu ce que je veux et j'ai pas non plus envie de. Après, ce qui est marrant, c'est qu'on a l'impression qu'il se projette énormément dans ses personnages, que ce soit Sakuragi, que ce soit Musashi. Son histoire personnelle, et je sais que tu voulais y revenir, notamment les problèmes de santé qu'il a rencontrés fin des années 2000, années 2010, on les a ressentis aussi à travers le personnage de Musashi dans Vagabond. Et parce que c'est un grand dépressif. Hein. En fait, je ne sais pas si on peut parler de dépression, parce qu'en l'occurrence, c'est que c'est quelqu'un de très discret, donc on a peu d'informations en réalité. Ça ressemble très fort à un burn-out, par contre. Ouais, angoissé plus que dépressif. Ouais, mais après, c'est aussi lié au succès de Slam Dunk. Hein. Faut voir que il a été mis très très en avant. C'est une star énorme. Le musée de Ueno lui a déroulé le tapis rouge en 2008. Voilà, quand il a travaillé sur Gaudi aussi, parce que c'est un passionné de Gaudi et d'architecture, il a pu présenter son expo à l'empereur actuel du Japon, Naruhito, lui-même. Voilà, c'est vraiment quelqu'un de très exposé, surtout pour Slam Dunk. L'architecte de la Sagrada Familia à Barcelone. Exactement, architecte de Barcelone, même tout court, presque. Et c'est vraiment ce burn-out est hyper caractéristique, puisqu'il en a parlé à demi-mot, mais il explique qu'il a voulu se retirer parce qu'il a cru longtemps que c'était une course, en fait, d'être mangaka, une course au succès, une course à l'effort. Il dormait 2 heures par nuit, par exemple, quand il faisait Slam Dunk. Et il y a un moment où ça l'a rattrapé, en fait, à 35 ans, après avoir donné quasiment 15 ans de sa vie au manga et au Shonen Jump. Eh ben, il a un peu craqué, quoi, sous cette pression qui était hyper forte. Et il a pris beaucoup, beaucoup de recul. Et aujourd'hui, il est heureux de vivre un petit peu loin de toute cette pression. Et en même temps, il vient de passer presque 10 ans à la production de First Slam Dunk, du coup, le film qui est sorti il y a peu de temps en France. Au mois de juillet. Et au mois de juillet, c'est un bosseur énorme et tout. Donc, c'est surtout ça pour moi, le style Inoue, c'est beaucoup de travail, en fait. C'est beaucoup, beaucoup de travail et de sérieux. Et pourtant, lui-même est quelqu'un d'assez léger, en fait. Drôle même, quand on l'écoute en interview. Et vraiment une expérience du vivant assez complète, finalement. Et tout ça est dans Slam Dunk, c'est rigolo. Renaud Besbourdier, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'exemple de vie de Takehiko Inoue ? C'est pas le seul mangaka à avoir eu des burn-out, des fatigues énormes liées à système de production. Effectivement, on en parlait en off juste avant, c'est pas le seul. On parlait de Togashi, l'auteur de Hunter x Hunter. On le sait, en fait, le travail de mangaka est un travail épuisant, éreintant. C'est trop difficile, en fait. Le rythme de publication fait que le travail qui est demandé est très très intense, et on comprend en fait qu'aujourd'hui, alors certes il faisait un film, ce qui prend aussi énormément de temps, mais on comprend qu'aujourd'hui en fait il ne travaille quasiment plus, en tout cas sur ça. On parlait de ces deux séries là, donc Vagabond qui est globalement à l'arrêt, on sait pas trop où ça en est, son autre série Real qui parle aussi de basket, mais aussi de handisport, pas mal de handibasket, qui est son chef-d'œuvre à mes yeux. Ce manga-là, il a annoncé récemment qu'il allait le reprendre, mais il y a 15 tomes, et ça a commencé, début des années 2000, un truc comme ça. Donc, c'est pas le même rythme, quoi. Il est vraiment... Il y a quelque chose à un moment qui a dû se briser, peut-être qu'il peut se le permettre grâce au succès de Slam Dunk, et tant mieux, de pouvoir avoir un rythme différent d'un Eiichiro Oda qui est obligé de s'excuser 15 fois par an parce qu'il a pris 15 jours de... Et encore. Et encore, ouais. ce que souligne Renaud est toujours d'actualité, hélas, parce que outre Oda, deux des grands succès du Jump, que sont My Hero Academia et Black Clover, leurs auteurs sont vraiment dans un état lamentable et ils peinent à pouvoir rendre un chapitre par semaine. Soit ils arrêtent, soit ils sont mis dans un magazine avec une publication beaucoup plus délayée dans le temps, parce que à un moment, physiquement parlant, on peut pas tenir ce rythme. Nous sommes ensemble pour parler de Slam Dunk, mais pour le moment, on va écouter Yoa avec Maddy. Je prie pour te le faire savoir, bébé. Tes tresses préférées, que tu puisses les agripper pour me dresser. Bébé, le code est envoyé. Qu'est-ce qui t'empêche de monter? J'ai laissé les lumières allumées pour te repérer. J'ai fait l'eyeliner comme Maddy. Ce soir, je suis devenue une baddie. Oh non. toi comme texte. Wait. Ce soir j'ai pas envie de fesses, je reste joué à Pokémon, je veux une soirée sans stress. Frédéric Sigrist sur France Inter. Steel! Lucas-kun ga Sendo-san kara! Nokori 1 分 yo! Sokkou de kuzo! Oh, Gori! Moshi. Moshi kono team ni Shouhoku ga katsu yona koto ga attara. Zenkoku demo. Sendo! Ji! Ariup! Sakuragi! Le fameux Sakuragi, un extrait de l'épisode 101 de Slam Dunk, et ça je pense que ça va vraiment éclairer les auditeurs qui disent « Ah bah évidemment, c'était le 101, la gloire du Slam Dunk ». Alors Mathieu Pinon, vous avez pris pour habitude de me livrer des petites révélations hors antenne, donc vous, il a dit à quoi correspondait son style Takehiko Inoue. Tout à fait, en interview, il a déclaré que c'était un mangaka qui dessine de l'humain. Et je pense qu'effectivement ce rapport social est très très fort, on le retrouve dans toutes ses œuvres. Dans Slam Dunk, on va avoir ce rapport avec des jeunes qui sont un peu marginaux, des petites racailles qui vont quand même devoir mettre leurs différences de côté pour s'unir, pour atteindre la victoire. On va avoir le rapport au handicap dans Reel avec les personnes en fauteuil roulant. Et vraiment, là, c'est le rapport au handicap physique dans notre monde. Mais quand on voit dans Vagabond comment on va traiter de la surdité... Il y a encore ce rapport qui est là, Vagabond, il y a vraiment un rapport social qui est très très dense. Oui, il est très sensible à la vérité. Et on oublie quelque chose qui n'est pas un manga de la part de Inoue, qui l'avait lancé en 2011, juste avant la catastrophe de Fukushima, qui s'appelle Smile, qu'il a fait sur une application sur iPhone. Et ensuite, il mettait tout ça à disposition sur Twitter, sur son compte, gracieusement. Et donc, il dessine des visages souriants pour expérimenter la tablette. Et donc, il a fait toute une soixantaine de visages souriants. Et par rapport à Fukushima, ça apportait vraiment du bonheur aux Japonais. De même, la fameuse suite de Slam Dunk qui s'appelle 10 Days After, en bon français, 10 jours plus tard, il l'a dessiné sur des tableaux noirs dans un lycée de Kanagawa, ville où se déroule l'action de Slam Dunk. Il l'a pas sorti sur papier. Fallait qu'on se déplace dans le lycée pour voir ça sur des tableaux. Donc il y a vraiment ce rapport à l'humain, ce rapport social qui est pour moi le ciment de son œuvre. Alors parlons de l'œuvre Slam Dunk. C'est des personnages forts, charismatiques, qui ont vécu pour beaucoup des grosses tragédies, qui doivent traîner des gros boulets émotionnels, qui trouvent leur concrétisation ou leur résolution durant le match ou pas. Mais j'ai une question à vous poser à vous quatre. C'est quel est votre personnage préféré et pourquoi? Voilà, voilà. Sullivan Roux, je vous entends rire, donc allez-y, dites-moi, quel est votre personnage préféré? Parce que c'est la question la plus compliquée, une fois de plus. Je pense que chez tout le monde, ça change un petit peu. En fait, le film m'a fait un peu changer d'avis, notamment parce que dans le film, il va mettre vraiment tous les potards autour de Miyagi, Ryota Miyagi, du coup. Avec toute la backstory sur son frère disparu, etc. Oui, alors j'explique pour les auditeurs, voilà, il a perdu son frère qui était un très très bon joueur de basket, qui meurt dans un accident. C'était le prospect, ouais, voilà, numéro 1, effectivement. Ouais. Qui meurt dans un accident en mer, fait que lui, bah, il se retrouve sans son grand frère qui l'avait initié au basket, et il décide de marcher dans ses pas, mais accompagné d'un fantôme permanent, ce qui complique sa vie, même par rapport à sa propre mère. Tout à fait. Et en fait, c'est rigolo parce que Miyagi, c'était peut-être le personnage qui me marquait le moins dans le manga. En fait, c'est que les quatre autres sont tellement incroyables. Enfin, je veux dire, Mitsui, il a son caractère. Rukawa, il est tellement surdoué. Sakuragi, pareil. Gori, incroyable. Capitaine et tout. Et Miyagi, je l'ai toujours trouvé un peu en retrait. Et encore une fois, bah, pour rebondir sur l'humanité dont parlait Mathieu, c'est pas innocent, je pense, le fait qu'il nous ait parlé de Miyagi dans le film et qu'il ait fait cette fin-là. Puisqu'en fait, le film propose une sorte d'épilogue, peut-être un teaser sur un deuxième film ou une suite, on sait pas trop. D'ailleurs, à la fin de The First Slam Dunk, l'artbook japonais, il y a un petit manga inédit et tout. Et ouais, moi, depuis le film, je repense beaucoup, beaucoup au personnage de Miyagi que je trouve très juste. Et j'ai commencé à relire le manga depuis. Alors, j'en suis pas encore très, très loin, tome 7 ou 8. Et en fait, je revois Miyagi de manière totalement différente. Et je pense qu'il l'aimait de la même manière au départ, mais que peut-être que tout le monde était un peu passé à côté. Et que c'est la raison pour laquelle il a voulu lui consacrer le film. Lloyd Cherry? Alors moi je me reconnais totalement dans la personnalité d'Hanamichi Sakuragi, le héros, puisqu'il a, en fait il a une vision du monde qui est assez agréable, qui est de croire que tout est possible et qu'un débutant peut devenir un champion à force de travail. Et je pense à un des personnages qui m'ont le plus inspiré. Après, en termes d'écriture pure, je trouve que Mitsui, le fameux tireur à trois points, est le plus intéressant et le plus complexe, car il représente le sportif tragique, marqué par des blessures et aussi par ses doutes. Et je pense qu'en termes vraiment d'écriture, je trouve que c'est le personnage le plus intéressant et peut-être le plus réaliste. Hanamichi Sakuragi reste le grand héros de Shonen, quand oui, qui était un grand champion. Il s'est blessé et du coup, il a sombré dans une petite délinquance avant d'avoir une sorte et de. On lui a donné une deuxième chance. C'est ça. Il pense qu'il est toujours dans le passé. C'est un personnage qui pense qu'il était bon avant et alors qu'il est à son summum à la fin du manga. Renaud Bézé-Produit. Je vais commencer par redorer le blason de Miyagi, parce que étant moi-même meneur de jeu à l'époque, je m'étais beaucoup identifié à ce personnage plus petit qui devait un peu diriger, même si effectivement il était moins présent dans le manga. Et je vais m'écarter en fait du groupe et citer Sendo, qu'on a entendu dans l'extrait l'épisode 101. Vous avez entendu son nom plusieurs fois. Donc c'est le meilleur joueur, un des meilleurs joueurs qu'il y a dans le manga, qui joue pour une autre équipe et qui est très inspiré de Magic Johnson, en fait, un joueur donc très grand qui fait 1m90, enfin très grand en tout cas pour son poste et au Japon, et qui joue meneur de jeu en fait, qui est donc très grand mais en même temps très mobile, qui pourrait scorer contre n'importe qui, mais qui décide malgré tout de faire des passes, d'être altruiste, parce qu'en fait c'est un génie, et s'il fait pas ça, il s'ennuie un peu. Et donc c'est un personnage un peu en dilettante, qui en ça est aussi inspiré de la personnalité de Magic Johnson, et qui était vraiment un délice à lire quand j'étais plus jeune. Donc voilà, je lis Sendo. Mathieu Pinon. Eh bien, pour ma part, c'est un personnage qu'on pourrait qualifier de secondaire, mais qui, selon moi, est d'une importance capitale, qui est très effacé, qui intervient très rarement oralement, mais chaque fois qu'il parle, ce n'est pas pour rien, et ce qu'il dit va canaliser l'équipe. C'est Anzai, le professeur, l'entraîneur. L'entraîneur aux lunettes impeccablement lustrées qui réfléchit stabilement avec ses joues. Voilà, dont on ne verra quasiment jamais la prunelle des yeux, tant ses lunettes reflètent la lumière, qui semble être un petit vieux bonhomme, ainsi, mais qui comprend tout ce qui se passe, qui est d'une psychologie dingue, parce que les cinq loulous, faut pouvoir les canaliser malgré leur bisbille incessante. Oui, parce qu'il faut le rappeler, ils s'entendent pas du tout. Ils s'entendent pas, ils arrêtent pas de se. Enfin, là, c'est vraiment une compétition de mâle alpha entre ces petites frappes. Il y a que Anzai qui est là pour réussir, même pas à les mettre dans le droit chemin, c'est à les mettre dans un chemin. Voilà. Et après, il est jamais là pour les guider. Hein. Vraiment, il leur évite de faire les conneries. Et je trouve que si on enlève Anzai, mais il n'y a plus rien qui va. Donc je pense que voilà, c'est mon personnage préféré de Slam Dunk. Il y a eu cette adaptation en animé dont on a entendu un extrait. Et alors qu'on a vécu de plein fouet l'arrivée des animés japonais, via le Club Dorothée, la 5, etc. Slam Dunk, quand on voit le succès qu'il a eu en manga, a mis du temps à arriver en animé en France. Comment on explique ça alors que pourtant, on aurait été des clients La réponse est dans votre question, Frédéric. Club Dorothée, le Club Dorothée s'est arrêté en 1997. Il y a eu une omerta totale un embargo sur tous les dessins animés japonais. Il était hors de question qu'on voit des dessins animés japonais. AB avait acheté Slam Dunk. Il y a les 8 premiers épisodes, si je ne dis pas de bêtises, qui ont été doublés en français, qui étaient, voilà, vraiment. Et alors, il faut entendre le doublage. C'est un bon doublage. J'ai oublié le nom mais ça doit être Hippolyte et Gontran qui, roi du panier. C'était prévu, c'était dans les tuyaux, mais, le destin de la diffusion en France et de la considération des Français par rapport aux dessins animés japonais à la fin des années 90 a forcément enterré Slam Dunk. Et ce qui est très amusant, c'est que Yu Yu Hakusho a quasiment connu le même destin, alors que c'était les deux autres séries phares du Shonen Jump à côté de Dragon Ball. Renaud Bézébourdieu. Oui, j'ai entendu parler, je ne sais pas si c'est une rumeur, mais dans tous les cas, je trouve ça assez rigolo, qu'il y aurait eu un créneau à un moment sur TF1 qui aurait été possible, mais que c'était déjà pris par les kangous, qui sont des kangourous qui jouent au basket, et ils se sont dit non, mais il y a déjà un créneau, en fait, on ne va pas rajouter du basket là-dedans. Mais par contre, les DVD sont, en tout cas, le coffret Blu-ray est sorti récemment en France, il me semble. Oui, les épisodes sont disponibles sur ADN, la plateforme ADN. On arrive à la troisième partie de cette émission, mais avant cela, on écoute McKinley Dixo avec Run, Run, Run. Blockbuster, Frédéric Sigrist sur France Inter. Running from the guns, point and shoot, we used to play upon the playground. Running from the guns, I thought hardest part would be for me to stay down. Running from the guns, breaks my heart if you decide to fly away now. Running from the guns, I am running from the guns. I make the devil mad dancing with you. All the angels looking jealous cause your halo is hoops. Hovering over your shoulders, wings usually is folded. I'm not used to extending them to tell you the truth. Pull me off the wall, grow on my roots. Sheesh, what I'm running from, following suit. We needed more distance so they wouldn't pursue. Cause up here I'm making Icarus envious too. Of my souls and wings and freedoms. And the songs they'll sing when I see them. Moving on my own, put the dreaming aside. Everybody on the porch looked up to the sky. Friends getting mad, but before they knew, suddenly my niggas started lifting up too. Through the clouds, brown shoulders broke right on through. With eyes watching God, my heart stays on. Running from the guns, point and shoot. We used to play up on the playground. Bang, bang. Running from the guns, no thought, hardest part would be for me to stay down. Running from the guns, breaks my heart if you decide to fly away now. Running from the guns, I am running from the guns. I saw that boy, then I saw his souls. Wondering what songs this canary holds. Glad he off the wall and his wings unfold. Whole block gon' cheer when he makes it home. Holding heavy hearts really makes it worse. Till we found the only way for us to lift this curse. If we run to a place where they know our worth. Son talks, said it's not my last day on earth. Hurry up, it's across the ridge. My grass wants to fly, so I scratch that itch. And if it's crying with the arms raised, that should imply that I'm in this. Nights on the car hood laid out, crucified, grew much more from the love that you provide. Standing on stage, hold back, both teary eyes, looking at my niggas like I'm glad all of you survived. We can make that work, no you was tripping on being locked to the earth. Worry later, no time for us to focus on what's past tense. And besides, now Brahms getting over the fence. So lock both your hands, act like you've been on sitting on fireworks. You know my kinfolk, 12 round the corner, they judging our sins. Ho, once your feet hit that gravel, just run. Running from the guns, point and shoot, we used to play upon the playground. Running from the guns, who thought hardest part would be for me to stay down. Running from the guns, breaks my heart if you decide to fly away now. Running from the guns, I am running from the guns. Bang. We'll be right back. Kanamichi, genki daseyo. Basketbu ga nande, basketbu ga. Blockbuster. Basketbu. Frédéric Sigrist. Sullivan Rouault, selon vous, qui sont les héritiers spirituels de Slam Dunk? Mais j'aime pas trop faire ça d'habitude chez vous, Fred, faire ma propre promo, mais évidemment que Aohashi. Oh, je suis très surpris. Manga de football. Alors, je pourrais en parler aussi, mais non, j'ai déjà fait une chronique qui en disait tout le bien que j'en pensais, et qui est un manga de foot, alors que je n'aime pas le foot. Infiniment. Donc c'est dire si c'est réussi. Ouais. Mais en fait, c'est vrai que Slam Dunk a entraîné beaucoup d'autres mangas dans son sillage. Et si on veut prendre des mangas de sport qui vont aborder ce côté humain, évidemment qu'Aohashi est très bien placé. Parce qu'en plus, c'est contemporain. La série est encore en cours aujourd'hui et a aussi un très, très gros succès au Japon, top 10 des ventes l'année dernière, etc. Et un autre titre mangetsu, mais je ne fais pas exprès, qui est Deep Three, qui est pour le coup un manga de basket. Qui va nous parler de Diamond Kawhi, qui est un jeune métis qui fait face à un problème qui est quand même assez emmerdant quand on est joueur de basket, c'est qu'il est malade du yips. Le yips, c'est une maladie qui va toucher les golfeurs beaucoup et dans le baseball et le basket aussi parfois, où en fait les membres du sportif vont se figer à cause d'une forme de stress, ça ressemble un peu à du stress traumatique. Et en fait, Damian, qui est promis un brillant avenir aux États-Unis, va devoir passer au-delà de ce handicap. Et on va le suivre, du coup, dans son ascension, ou en tout cas son retour, puisqu'on commence et suite à une très grosse blessure, il se découvre ce yips. Et c'est excellent si on aime le basket et la NBA, parce que là aussi, il y a énormément d'invocations, des références des grands joueurs des années 90 et 2000, notamment Kobe Bryant. L'auteur est un très, très grand amoureux de Kobe Bryant. Et ça parle aussi de sujets beaucoup plus humains, comme le racisme par exemple, parce que du coup on a un héros métis, qui est une chose quand même relativement rare dans le manga. Et voilà pour ces deux-là. Et après il y a beaucoup de mangas de sport, hein, finalement. De toute façon, beaucoup à Slam Dunk, mais je vais donner la parole à vos camarades. Eux aussi doivent avoir des idées. Renaud Brisebourdieu. Oui, je vais parler de High Shield 21. Donc j'ai plus le nom de l'auteur, mais c'est un manga qui parle de foot américain et qui est signé par Murata, exactement, le dessinateur de One Punch Man. Exactement, voilà. Et donc voilà, un manga qui en fait dans le style graphique n'a rien à voir, mais dans l'esprit, notamment dans la réflexion autour de l'entraînement, du dépassement de soi et de qu'est-ce que ça veut dire être un génie ou ne pas l'être, qui se rapproche beaucoup de Slam Dunk. En tout cas, c'est le seul manga de sport dans lequel j'ai retrouvé quelque chose que j'ai cherché partout ailleurs et que je ne trouvais pas. Loïc Thierry. De mon côté, je recommande Ping Pong de Taiyu Matsumoto, qui a été publié un an après la fin de Slam Dunk. C'est un manga sur le ping-pong et on retrouve cette même vitesse des personnages aussi fous que dans Slam Dunk. Et il y a une vraie énergie dans ce manga que je trouve assez dingue, que je n'ai pas beaucoup retrouvé ensuite. Mathieu Pinon. Je vais varier un tout petit peu par rapport à mes camarades avec un manga qui s'appelle Capeta, qui parle de cartes, dont le héros est un enfant au début, et on va voir vraiment sa courbe de progression. Il y a d'un côté le réalisme par rapport au sport automobile, mais également il y a vraiment un aspect, encore une fois, humain et social qui font que je le mettrais comme héritier direct de Slam Dunk. Alors ma question, où je me fais vraiment le candide par rapport au manga de sport et un manga comme Slam Dunk, c'est que j'ai l'impression que le manga est le seul médium qui donne autant la part belle au sport et qui arrive à magnifier ces sports, même pour des gens qui ne les aiment pas ou ne les pratiquent pas, ce qui peut être mon cas, ce qui peut être le cas de certains auditeurs. Comment on explique ça? Parce qu'on fait de la bande dessinée aussi en France, en Europe, on fait du comic book aux États-Unis, mais j'ai l'impression que seul le manga arrive à restituer l'intensité et ce qu'il peut y avoir de beau dans le sport. Tout simplement parce que le manga, c'est pour une grande partie des mangas, tout du moins, il y a un côté Bildungsroman, comme on dit en bon français, donc voyage initiatique, et on va très souvent avoir un personnage qui se découvre un talent pour un domaine, et au fur et à mesure dont il ne connaissait rien, et grâce à lui, en le suivant, le lecteur va apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur ce domaine. C'est extrêmement didactique, le manga est vraiment un support didactique rêvé, et ça permet à la fois, pour ceux qui connaissent un sport bah, de s'y retrouver alors qu'ils connaissent déjà un petit peu tous les codes. Et pour d'autres, bah, certains sports qu'on pourrait ne pas connaître, voire ne pas aimer. Je n'aime pas le basket, j'adore Slam Dunk. Vous n'aimez pas la danse de salon, lisez Welcome to the Ballroom, vous allez être pantois de ce que ça représente. Parce que tout est super bien expliqué grâce aux héros. Après, le mangaka peut choisir d'être complètement réaliste ou de partir vraiment dans des délires comme Captain Tsubasa, Crocos Basket ou Prince of Tennis. Libre à lui. Mais, en tout cas, la structure même du sport, les règles essentielles vont être données de manière très pédagogique. Renaud Besbourdier. Et c'est aussi la manière dont le manga a une séquence, en fait, l'action, je pense, qui joue énormément. D'une part, effectivement, c'est vrai que, comme c'est très didactique, on peut exposer les règles et ensuite les règles sont connues du lecteur. Et le lecteur, à partir de cette connaissance des règles, va avoir un plaisir parce qu'il va pouvoir suivre en connaissant des éléments au fur et à mesure, ce qui est essentiel. Mais au-dessus de ça, le séquençage permet de rendre la réalité émotionnelle du sport, c'est-à-dire à quel point le temps devient élastique, à la fois quand ça peut passer beaucoup plus vite ou quand ça peut passer beaucoup plus lentement. Et c'est notamment quelque chose que Slam Dunk fait à merveille. Et puis un mot sur l'intériorité des personnages. Dans les mangas, il y a beaucoup d'intériorité des personnages. Les personnages se posent beaucoup de questions intérieures et ça fait toute la différence puisqu'il y a plus de pagination comparé à la bande dessinée franco-belge. Et justement, cette élasticité du temps, elle est parfaitement illustrée par ce film qui a été réalisé par Takehiko Inoue lui-même, ce qui me semble être extrêmement rare en général. Film qui est sorti en juillet dernier sur nos écrans français, qui est une réussite graphique, d'animation. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, Mathieu Pinon? Bah, vraiment, Inoue reprend ce qui fait le charme de Slam Dunk, le manga, à savoir cette maîtrise du temps, avec des moments où il va dilater l'instant à l'infini en mettant le silence absolu, toute la salle va retenir son souffle, et d'autres moments, notamment on est arrivé dans le money time à la fin du film, où ça part en accélération fulgurante, on s'y retrouve vraiment, et beaucoup de jeunes français veulent dessiner du manga, alors très souvent ils vont acheter des leçons toutes faites en supermarché pour dessiner des cheveux hérissés et des grands yeux. C'est un truc que je m'efforce de rappeler dans Otaku Manga pour les adolescents, c'est que justement le manga c'est l'art de la narration avant tout. Slam Dunk, le manga, est un chef-d'œuvre du genre, c'est une leçon absolue. Et bien le film The First Slam Dunk est une leçon absolue également de la maîtrise du temps. Loïc Thierry, je sais que vous aviez des réserves. Oui, j'encourage les gens à voir le film, évidemment. Il a fait 50 000 entrées en France, ce qui est super. Moi, j'aime Slam Dunk. Moi, le seul truc qui m'a un petit peu déçu, c'est qu'en ce moment, il y a eu deux séries exceptionnelles qui sont en train de sortir ou qui sont sorties, qui sont The Last Dance, le documentaire d'archives sur Netflix autour des Chicago Bulls, et la série Winning Time, qui raconte l'épopée des Lakers. Et ces deux séries m'ont transporté avec vraiment une intensité assez absolue. Et j'ai pas retrouvé cette intensité qu'il y avait dans le manga Slam Dunk, dans ce film. Et c'est ça vraiment qui m'a frustré, même s'il y a énormément de qualité du film. C'est ça qui m'a frustré, c'est que j'aurais pas retrouvé moi ce qui m'a fait vibrer, ce qui me faisait me rendre fou quand j'attendais impatiemment tous les deux mois la sortie du prochain tome, de savoir qu'est-ce qui allait se passer dans cette fin de match. Renaud Besbourdieu, rapidement, parce qu'on est au bout. Très rapidement, il y a deux choses. La première, c'est que techniquement, c'est complètement fou. Personne, encore maintenant, ne comprend vraiment comment ils ont fait ce mélange d'animation 3D et 2D qui parvient à rendre l'élasticité des corps. Globalement, c'est de la performance capture avec des acteurs qui jouent des basketteurs, en fait, qui sont coachés pour faire les mouvements. Et la deuxième chose, c'est en termes de narration. Le film m'a beaucoup surpris, beaucoup plu, parce que justement, il se concentre sur Miyagi, qui est très différent des autres personnages, dans le sens où c'est pas du tout un génie. Et donc, on voit, en fait, le Inoue d'aujourd'hui qui prend le manga d'avant. Donc un shonen pur et dur, très classique, et ça crée une dissonance en fait entre l'action qui est très centrée sur Sakuragi, qui est le vrai héros du manga, et tous les flashbacks qui ponctuent l'action, qui sont centrés sur un des personnages qui impactent le moins le match. Et cette dissonance-là peut effectivement bloquer certains, mais moi j'ai trouvé ça absolument formidable. Et au niveau de l'implication, il faut l'avoir vu en salle, notamment au Festival d'Annecy, les gens étaient fous, et même à la projection presse, je me souviens, il y avait une journaliste japonaise à côté de moi, et je la regardais, et elle serrait le poing à fin de chaque action, vraiment comme si elle était face à un vrai match. C'est complètement dingue d'avoir réussi à faire un truc pareil pour un premier film. Oui, je suis sorti de la projection lessivée comme si j'avais fait le match avec l'équipe. Hein. Mais oui, bah, ça se voit, hein. Vous avez pris. Hein. Ah oui. Merci Mathieu Pinon, merci Renaud Besbourdieu, Loïc Thierry, Sylvain Roux d'avoir évoqué Takehiko Inoue et son œuvre phare Slam Dunk. Mais je vous invite aussi à lire Reel, Vagabond, s'il le termine un jour. Mais en même temps, vu ce qu'on a dit, qui prenne le temps. Merci aussi à Guillaume Giraud qui a réalisé cette émission pour la première fois. Bravo Guillaume! Elle a été préparée par Benjamin Ducy et Lisiane Larbani à l'aide de notre stagiaire Marie-Lou Martin. À la technique, on remercie également Sofiane Aktib et au mixage Guillaume Ficheux. Vous pouvez me laisser un message au 01 56 40 30 20 pour me parler de Slam Dunk ou sur Twitter avec le hashtag BlockbusterEFI. À demain! Slam Dunk! match, mes aïeux, mais quel match! On n'en attendait rien et pourtant, on a quand même été déçus. Je suis avec Tony de Tête. Tony de Tête, bonjour, le capitaine des Ragondins de Bourré-sur-Juine. Tony, comment vous expliquez une défaite pareille? Déjà reste tranquille, j'appellerai pas ça une défaite. Ah bah quand même, 98-0, je le rappelle, c'est pas rien. On a marqué deux paniers, non? Non, zéro. 98-0. Vraiment, que dalle, zéro, nib, nada. Zéro? Ah, ok. Ouais, d'accord. On peut parler d'une défaite. Disons qu'il y a eu des occasions, mais... C'est comme ça, le basket. Il y a des opportunités au niveau du collectif. Peut-être ça a pas matché, tu vois, et... D'autant que, rappelons-le, vous avez tout de même fini à 4. Ça a pas aidé non plus. Mais franchement, qui aurait pu deviner qu'un des joueurs, il était recherché par la police? Et quant à l'exclusion de Philippe, ça, c'est dégueulasse. Parce que Philippe, il a un très bon niveau de MMA. Franchement, qui aurait pu prédire que ça se passe mal au basket? Tu vois, c'est facile de dire, il a cassé le bras de son adversaire et le tibia d'un autre. Mais... En même temps, les gestes, techniquement, il les a. Il les a, tu vois. Il les a brisés. Il n'y en a pas un, il s'est relevé. Demain dans Blockbuster, Michael Jordan. Et tout de suite, après le journal, on retrouve un monde nouveau avec Sonia Khirouni. Bonsoir Sonia. Bonsoir Frédéric. Alors de quoi allez-nous nous parler? Eh bien, on reçoit l'essayiste Hakim El Karoui qui est convaincu que l'avenir se joue dans les quartiers pauvres. Et la chanteuse Jeanne Haddad qui sera en live avec nous dans le studio. On vous attend, vous restez avec nous? Bah oui, alors là, vous m'avez appâté. Je reste. À tout de suite. À tout de suite.